Chapitre 4. Le soleil était levé depuis 2 heures quand Bagrianov arriva à la ville. Il se fit conduire aussitôt chez les autorités. Le général-gouverneur, prévenu de son arrivée, le reçut froidement. « Vos paysans ont voulu vous tuer cette nuit, dites-vous. De quoi se plaignent-ils ? Car je suppose que ce n'est pas sans motif qu'ils en sont venus à cette extrémité. Ils ne veulent pas payer leur redevance, ni la dette qu'ils ont contractée envers moi lors des semailles. Et le moyen leur a paru bon pour s'acquitter. La récolte a-t-elle été meilleure chez vous que chez les propriétaires voisins ? Non, votre excellence, dit Bagrianov en se mordant les lèvres. Vous êtes le maître, après tout, reprit le gouverneur. Ce ne sont pas mes affaires, et vous dites qu'ils vous ont laissé la vie sauve, comme votre excellence peut le juger elle-même. À quelles conditions ? Les conditions importent peu. Toute promesse arrachée par la force et sous le coup de la menace est nulle de plein droit. « Parfaitement, dit le gouverneur avec un signe affirmatif. Et sans doute, la première de ces conditions peu importantes a été le secret. Et naturellement, vous êtes venu les dénoncer. Cela vous étonne, Excellence, dit Bagrianov, du ton de persiflage qui lui était familier. Il sentait la colère bouillonner en lui sous le regard méprisant de cet homme de bien. Non, monsieur Bagrianov, cela ne m'étonne pas. Alors vous voulez une enquête. Ma simple déposition doit suffire, je pense. » « Pas absolument, mais si vous avez des preuves. » Le visage de Bagrianov se rembrunit. Lui, noble, être appelé à fournir des preuves, être confronté avec ses paysans. « Faites-les interroger, Excellence, cela suffira, je suppose. Mais en attendant, je désire qu'on me donne la force armée pour me garder contre ces forcenés. »« C'est trop juste. Vous savez qu'il y va des bergers de la Sibérie pour ces malheureux. Ces misérables, veux-je dire. Je l'espère. » fit Bagrianov. « C'est bien, monsieur, il sera fait droit à votre requête. Votre village sera occupé par les troupes ce soir même. » « Je remercie votre excellence, » dit Bagrianov en se dirigeant vers la porte. Il levait la main sur le bouton lorsque le général-gouverneur, d'un brusque mouvement de colère, fit tomber un livre placé sur le coin de son bureau. Bagrianov se retourna. Les deux hommes se regardèrent un moment. « Savez-vous, monsieur Bagrianov, » dit le gouverneur, « que vos paysans, pendant qu'ils y étaient, ont eu grand tort de ne pas vous tuer tout à fait. »« Ce n'est pas mon humble avis, » répondit le seigneur. « Je suis le serviteur dévoué de votre excellence. » Le général-gouverneur marcha quelque temps de long en large dans son cabinet, en proie à cette rage particulière aux honnêtes gens qui voient échapper un coquin. Enfin, ne découvrant pas d'issue à la situation, il s'arrêta, froissa quelques papiers avec colère, et écrivit l'ordre d'occuper militairement le village de Bagrianovka. « Il n'y a guère de scélérats de cette espèce, » murmura-t-il en signant le papier avec un geste de rage. « Mais si peu qu'il y en ait, il déshonore notre pays, à nos yeux comme à ceux de l'étranger. Si encore il l'avait tué, ne peut-il s'empêcher d'ajouter avec regret ?» Bagrianov se fit conduire au meilleur hôtel de la ville. C'était une large maison construite en briques, blanchie à la chaux au dehors comme au dedans. Les blattes marrons circulaient activement sur le plancher soigneusement lavé. Une vague odeur nauséabonde s'exhalait des canapés de crin roussis par l'usage. Les garçons d'hôtel en chemise rouge couraient çà et là avec des essuie-mains très sales sur le bras, portant des plateaux couverts de tasses de thé en équilibre sur 3 doigts à la hauteur de leurs oreilles. À l'entrée de Bagrianov, un mouvement de curiosité se produisit parmi les consommateurs. Des tables les plus reculées, on tendit le cou pour apercevoir le terrible seigneur à la barbe blanche, dont les nourrices évoquaient l'image comme celle de Croque-Mitaine, pour effrayer les enfants. Plus flatté que blessé de cette curiosité, Bagrianov porta la main au bord de son chapeau. « Bonjour, messieurs, » dit-il. « Un bonjour timide, » lui répondit. Si personne n'était empressé de frire avec lui, chacun craignait de s'attirer son inimitié. Un garçon s'empressa de passer un essuie-main sur une table devenue vacante, comme par enchantement, et Bagrianov s'assit en prenant ses aises. Le silence continuait à régner dans la salle. L'hôte s'approcha obséquieux et salua jusqu'à terre. « Que faut-il à votre seigneurie ? » dit-il d'une voix douce. « Ma seigneurie veut à dîner, ce que tu as de meilleur, et vite, surtout. » Un menu succulent fut bientôt arrêté. « Et des confitures ?» ajouta Bagrianov. « J'aime les confitures. » L'hôte disparut comme une ombre chinoise. un marchand de draps, gros bonnet de la ville, se décida à entamer la conversation. « Vous voilà donc en ville, votre seigneurie ?» dit-il, non sans s'étonner de sa propre hardiesse. « Comme tu le vois, » répondit Bagrianov en s'allongeant sur deux chaises. « Permettez-nous de nous informer si c'est pour votre plaisir ou pour vos affaires ?» continua le marchand en prenant courage. « Pour l'un et pour l'autre, » répondit Bagrianov d'un air agréable. « Mais je ne t'achèterai rien aujourd'hui, André Prokofitch. »« Oh, ce n'est pas l'intérêt qui me fait parler. Alors votre seigneurie ne fera pas d'emplette ?» Le plateau du dîner dispensa Bagrianov d'une réponse. Il se mit à manger avec un véritable plaisir. Les émotions de la veille et cette froide journée d'octobre lui avaient ouvert l'appétit. Il dîna copieusement, arrosa son repas d'une bouteille de vin de Bordeaux, il aimait les vins de France, se fit faire une tasse de café, puis recula jusqu'à la muraille sur sa chaise qu'il fit pivoter. De là, il jeta sur l'assistance un regard moqueur. « Et maintenant, mes pigeons chéris, dit-il, vous voudriez bien savoir pourquoi je suis venu à la ville ?»« Certainement, votre seigneurie, » fit un gros marchand joufflu qui se trouvait près de lui. « Eh bien, mes frères bien-aimés, je vais satisfaire votre curiosité. Je suis venu parce que mes paysans, quelle racaille, ont voulu m'assassiner cette nuit. » Un murmure d'étonnement plus que d'horreur parcourut le groupe. « Ils ont voulu m'assassiner, » continua Bagrianov, excité par le vin qu'il venait de boire. « Mais je leur ai promis tout ce qu'ils ont voulu et ils m'ont laissé aller, les imbéciles. « Dis donc aussi que ce sont des imbéciles, toi, » fit-il en poussant rudement le marchand joufflu qui se trouvait à portée de son bras. Le groupe recula tout entier comme un automate, on ne riait plus. Bagrianov fronça légèrement le sourcil et scruta les visages qui le regardaient. Puis, se rappelant qu'il n'était plus sur ses terres, il reprit son attitude aisée, adossé au mur et se balançant sur sa chaise. « Oui, » reprit-il, « ils m'ont laissé aller. Et je suis arrivé chez le général-gouverneur. Il n'est pas aimable, votre général-gouverneur. C'est une vieille bûche. Mais ça n'empêche pas que demain le village sera occupé par les troupes. Et les bons chrétiens qui ont voulu m'envoyer en paradis iront en Sibérie. Après qu'on leur aura convenablement frotté le dos. Voilà ce qui m'a fait dire que j'étais venu pour mon plaisir, aussi bien que pour mes affaires. » Le silence continuait glacial. Sensiblement, le cercle vide s'était agrandi autour de Bagrianov. « Hé, garçon, cria-t-il, fais-moi un peu de musique. J'aime la musique après dîner. » Un garçon de service se glissa près du grand orgue de Barbarie qui occupe invariablement le fond de la salle d'honneur dans toute auberge russe et mit en mouvement la lourde manivelle. « Plus vite !» cria Bagrianov. « J'aime la musique de danse. N'ai-je pas raison, vous autres ?» Il se tourna pour obtenir un signe d'assentiment, mais la salle était vide. Le garçon qu'il avait servi à table, debout devant lui, le regardait d'un air craintif, son essuie-main sur le bras. « Appelle ton maître !» dit Bagrianov d'une voix tonnante. Le maître parut, l'échine ployée, pressentant quelque malheur. « Pourquoi sont-ils partis ?» dit posément le seigneur. « Les affaires, mon bienfaiteur, c'est aujourd'hui jour de marché. »« Tu mens, » dit Bagrianov sans se troubler. « Ce n'est ni jour de marché, ni jour de foire. Vous avez peur de moi, parce que je vais faire écorcher le dos des paysans qui ont voulu me tuer. Je n'ai qu'un regret, c'est que vous ne soyez pas tous à moi, pour pouvoir vous expédier tous en Sibérie. Vite ta note, et qu'on attelle. J'aime encore mieux les loups de nos forêts que les moutons bêlants comme toi et tes pareils. » Malgré les instances de l'hôte, Bagrianov partit sur le champ, mais il ménagea ses chevaux, car il ne se souciait pas d'arriver trop tôt. Les premières lueurs de l'aube lui montrèrent les casques des soldats en piquet à l'entrée du village. Il se frotta doucement les mains, et en rentrant, se fit faire du thé par sa femme, qui n'osa pas lui adresser de questions.